Vas-tu mettre au chapelet? Oh. Si jamais il t'arrive d'avoir peur, il suffit que tu le serres très fort dans ta main en disant à notre père et tu verras, ta peur va s'en aller. C'est pas vrai. Si, si, tu vas voir, je t'assure. Tu sais que quand tu fais ça, le Seigneur est avec toi. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. si elle était trop faible pour réagir.